à poil et sèche mes larmes avec un lance-flamme. Ça me lasse très vite. Je comble mes lacunes, éjacule dans des ronces et vomis dans des lagunes. Je me branle trop, j'ai la paume qui fume. Je vais me faire un GTA dans le royaume d'Hyrule. Il neige sur ma terre fleurie. Je recouds mon cœur dans une mercerie. Avec du fil de fer, ai-je l'air de rire? Je suis le fou dans la chèvrerie. J'offre des cravates de notaire à toutes les mamans qui allaient. J'ai des couronnes sur les molaires, pourtant je n'ai jamais eu la fève. Et pour éteindre le soleil, je crache de l'eau. Chaque nuit dans mon sommeil, Freddy me gratte le dos. Je mène une vie de patachon hors de mon lit. J'attrape froid, j'ai besoin d'une inhalation doublée d'un nid. N'a la joie, plus souvent qu'un ébéniste, je touche du bois. Ne boude pas, je t'aime de tout mon foie. J'arrose la tombe de mon enfance, mais rien ne pousse si ce n'est l'oubli.